se ramène et la nuit se fait la belle. Où vont tous ses rêves petits au fond de ses bras? Les heures qu'on passe, les mêmes gestes, les habitudes, amis à mettre en solitude. Où vont tous ses rêves, petits au fond de ses bras? La nuit.